te téléporte, de pincées de mandragore, trois cuillères de piment fort et j'édulcore d'un bouton d'or. Quatre morceaux de lézard, cinquantaine de cafards, six petits yeux de tétard et le nectar d'une rose noire. À la casam, mesdames, mes palettes, mes vannes, et n'irena casam. À la casam, mesdames, mes palettes, mes vannes, et n'irena casam. Pour un goût d'immortalité. Araignée bienvenue, 8 grammes de foie de morue, 9 cuillères et de ciguë et on remue, on continue. À la casam, mesdames, mes palettes, mes vannes, et n'irena casam. À la casam, mesdames, mes palettes, mes vannes, et n'irena casam. Pour un goût d'immortalité. Réussir où d'autres ont souffert et réunir pour la vie entière en mon pouvoir tous les espoirs d'une sorcière, d'une sorcière. Attention vous qui lisez, car la potion est damnée, la potion est damnée. Et vous croyez que ça va m'arrêter? 10 petits bouts d'ongles durs, 11 poignées de cyanure, 13 cheveux d'un cœur pur dans ce grimoire, pas de hasard. À la casam, mesdames, mes palettes, mes vannes, et n'irena casam. À la casam, mesdames, mes palettes, mes vannes. Pour un goût d'immortalité. Pour un goût d'immortalité. À la casam, mesdames, mes palettes, mes vannes, et n'irena casam. À la casam, mesdames, mes palettes, mes vannes.